Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Classer les choses, penser les hommes, une série de Laetitia Druard réalisée par Doria Zénine. Au départ de cette série, il y a les boîtes où l'on range nos lettres, les vieux papiers dans le grenier, les photos dans la vieille boîte à gâteaux et ces vieux agendas de nos grands-parents que l'on n'a jamais ouverts mais jamais jetés non plus. Il y a aussi ces tiroirs de bois bien vernis et ces petites fiches cartonnées dont l'encre a pâli et qui sont encore les signes particuliers de certaines bibliothèques. Et puis il y a ces herbiers avortés, ces vieilles collections de coquillages ou cette inquiétude de ne jamais connaître le nom de tous les arbres. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il va bien falloir faire le tri. Qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on va censurer pour notre minuscule postérité puisqu'on est ce qu'on laisse. Alors pour commencer, les personnages. Un historien de l'intime qui entasse les carnets trouvés, un archiviste, un auteur dédié aux journaux intimes, des conservatrices aux petits soins, un fils aux prises avec la mémoire de sa mère, une copine de jeunesse, un père peut-être un peu dur et des soldats de 14. Ensuite le décor, un grand sac plein de papiers, une maison remplie d'archives, un chat qui rôde, des photos, des lettres, des gorges qui se serrent, la guerre et encore la guerre, un journal de jeunesse, le temps des colonies, un peu d'herbe et un disque de Michael Jackson. Aujourd'hui, quatrième épisode, on commence par prendre un RER. T'as bien dormi? Ouais, pas sur la faim. T'as stressé? Non, je sais pas, je me suis à 7h, j'y ai pensé, donc du coup, j'ai un peu moins bien dormi. Il est là ton chat. Ah, bien. Pourquoi on est là, Arnaud, aujourd'hui? Alors on est là parce que ma maman est décédée en avril 2012. Tiens. C'était un peu... Enfin, c'était pas prévu, sa disparition, on va dire. Donc du coup, avec mon frère, on a un peu débarqué dans le sud de la France hein, et on a récupéré ce qu'on a pu, quoi. Et du coup, ce qu'il en reste, c'est 2-3 colifichets. Et puis surtout, elle aimait bien écrire, donc elle avait... elle aimait bien garder les lettres des gens avec qui elle correspondait. Donc j'ai récupéré un sac, une espèce de cabas avec des vieilles lettres, des vieilles photos, beaucoup de photos surtout. Et du coup, c'est un sac que j'ai pas vraiment eu le courage d'ouvrir depuis. Parce que elle avait pas une vie trop rigolote non plus. Donc moi, ce que j'ai, c'est ça. et j'ai son arc, parce qu'elle était, était archée. Et du coup, ça allait, c'était important. Et donc j'ai son arc qui est là, quoi. C'est la pièce maîtresse de la collection. Du coup, c'est un sac qui était tout le temps dans les pattes, dans nos pattes, avant qu'on déménage. Donc, je le poussais à chaque fois dans un coin, machin. Il y a un moment où t'es pas prêt à regarder là-dedans, quoi. Et puis voilà, on va l'ouvrir pour voir un peu ce qu'il y a. Et voilà, quoi. Ils sont bien l'humidité. Voilà. On sort tout ? Vas-y si tu veux. Il y a un cahier, je sais pas ce que c'est. Il y a énormément de photos mélangées avec des cartes postales. En fait, elle a eu plein de vie, quoi, si tu veux. Elle a fait énormément de boulots différents, machin, etc. Et elle avait toujours des passions. Et elle était sportive, pendant un moment elle était très sportive. Donc là tu vois, bah, c'est son diplôme de truc nautique, enfin tu vois, de bateau. Tu vois. Sommes-nous que ce que l'on garde ? Épisode 4, l'archive intime. Qu'est-ce que les archives racontent d'une vie, en fait ? Qu'est-ce qu'elles veulent raconter, qu'est-ce qu'elles ne veulent pas raconter ? Ce qu'elles racontent sans le vouloir, ce qu'elles racontent sans le savoir, etc., etc. Je m'appelle Yann Potin et je suis historien, archiviste. Je travaille aux Archives nationales, au département éducation, culture et affaires sociales. Mon intérêt pour les archives publiques ou les archives des autres, c'est aussi une façon de s'interroger sur ses propres archives, bien entendu, en sachant qu'on a tendance à ne pas vouloir les voir ou à faire semblant de les transporter sans les transporter, à les mettre dans des caves, à les mettre dans des coins, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en faire, en fait. C'est toujours un aller-retour entre pourquoi on garde, pourquoi on jette pas. Et qu'est-ce qu'on peut en faire, mais pas tellement soi-même, que d'autres après soi ou à côté de soi peuvent en dire, en fait. Moi, je pense pas les archives comme des productions, mais avant tout comme des transmissions. Le problème, c'est toujours le volume. Voilà. Et c'est pour ça que ce qu'il y a d'intéressant dans les archives personnelles, c'est qu'il est rare qu'on soit pas confronté dans le cours d'une vie à ne pas devoir les trier. En fait, puisque un déménagement, ou en tout cas en sacrifier quelque chose, c'était le sens de cette phrase de Michel Melot, nous sommes tous des archivistes, c'est-à-dire nous sommes au minimum les archivistes de nous-mêmes, avec nos papiers, les papiers de nos parents, les papiers de nos... Voilà. Et toute la question est de savoir, non pas ce qu'il faut garder, mais quelle quantité on va parvenir à garder ce qu'on croit devoir ne pas jeter. Oh putain. Permis de conduire. Le sien ? Ouais. Toi, ça reflète ça, c'est une photo qui reflète assez l'ambiance. On voit clairement que sa bagnole, c'était là où elle dormait. Tu vois ? Pour moi, ça reflète assez ce que j'ai vécu tout le temps. C'est-à-dire que bah, des fois, moi, je vivais chez mon père, donc quand j'arrivais, on avait une nouvelle baraque. Avec des cartons partout, et que des fois, quand je repartais et je revenais l'autre fois, c'était une autre maison, quoi. C'était tout le temps comme ça. Mais du coup, on a vécu des super moments un peu à l'arrache, quoi. Mais c'était rigolo, quoi. Parce que, en fait, elle est partie super tôt de chez ses parents. Du coup, on n'a jamais vraiment su pourquoi, quoi. À savoir pourquoi. Parce qu'en fait, cette départ de chez ses parents toute jeune, c'est ça qui a fait qu'après, elle était profondément un peu déprimée, quoi, toute sa vie. Donc voilà, pourquoi tout le temps, elle se barrait tout le temps. Voilà. Donc c'est pour ça que toutes ces lettres, c'est un peu pour combler des trous, peut-être. Là, il y a Mati. C'est Nati. Nati. Ouais. Là, c'est elle aussi. Tu vois, c'est vieux, hein. Merci pour ton cadeau, c'est exactement ce qu'il me fallait pour mon Walkman. Nati, c'est un diminutif de Nathalie, je crois. C'était sa meilleure pote, je crois qu'elles se connaissent depuis qu'elles sont ados, quoi. Je crois que leur rêve à toutes les deux, à un moment, c'était vraiment de partir en Guadeloupe, quoi. Ça, c'était le truc, on ira en Guadeloupe, machin. Il y en a une qui l'a fait, pas l'autre. Des petits mots intimes, c'est marrant. Quel genre ? Bah, c'est marqué « Mon amour, repose-toi le plus possible, je n'ai pas eu le temps d'allumer la cuisinière. » Et tout de suite, dans tes bras. C'est mignon, mais c'est très intime, du coup. Ça aussi, c'est rigolo, parce que c'est la même personne, mais c'est beaucoup plus jeune, quoi. Je pense que j'étais pas né. Ouais, j'arrête pas de faire la fête. Genre, je fais une petite lettre pour te donner des nouvelles de mes nuits parisiennes. Ça fait 15 jours que je fais la Java, je suis sur les rotules. C'est rigolo. Ça, c'est qui écrit ça? C'est de la même personne, Nati, mais vu qu'elles étaient copines comme cochons quand elles étaient, je pense, ados même. Du coup. Et donc là, la lettre, elle date de quand? Il n'y a pas de date, c'est marqué lundi matin. Voilà. Tu vois, genre, ça veut dire quelque chose. Lundi matin, ça veut dire que tu l'envoies, tu le reçois jeudi. Donc, ça veut dire que t'es prêt l'un de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas... Et qu'elle s'écrivait beaucoup aussi. Ouais, peut-être. Pour moi, c'était comme un carnet intime, tu vois ce que je veux dire? Quand t'écris... Pour moi, plus t'es loin, plus tu mets une date précise, je sais pas, comme si... Tu vois, des trucs genre, ouais, j'ai trop la flemme, je vais rester dans ma piole en pyjama. C'est marrant, quoi. Ouais, elles sont toutes jeunes, quoi. C'est comme si t'écrivais ça, maintenant, à l'heure actuelle. Tu l'envoyais par texto et que tu te rejoignais une heure après, quoi. C'est tout frais, alors que ça paraît très frais, alors que ça a peut-être 30 ou 40 ans, quoi. Donc ça, tu vois, c'est de la même époque. Je pense que déjà, garder des lettres qui ont plus de 30 ans d'une personne, c'est que elle te manque, quoi, non? Je sais pas. Ouais, celle-là, elle est rigolote. Je sais, vendredi 18, alors de quelle année, je sais pas, mais... Il dit, il est 14... Salut copine, il est 14h, je suis en train de goûter ton petit pétard en écoutant du Michael Jackson, c'est tout bon. Après, il faut que je m'attaque au ménage dans ma chambre, c'est un peu poubelle. Ouais, c'est cool. La spécificité, à mon avis, des archives personnelles, c'est qu'elles mêlent étroitement la preuve, quelle qu'elle soit, Yann Potin. De la vie, d'actes, etc., à quelque chose qui relève du sentiment. Mais alors, avec mille guillemets et plein de parenthèses, c'est-à-dire des voilà, le symbole, c'est la lettre d'amour. Et moi, j'aime bien cette idée dans la littérature très classique où que quand deux personnes se séparent, ils s'échangent leurs lettres. Ce qui prouve bien qu'ils retiennent quelque chose de l'autre en les gardant. Ce serait comme si certaines archives avaient, certains documents avaient le pouvoir de révéler l'intériorité momentanée d'une personne, donc l'intimité, puisque l'intime, c'est bien ce qu'il y a de plus intérieur. On garde des titres de quelque chose. C'est-à-dire que dans les archives personnelles, les documents sont toujours là pour dire quelque chose qu'ils ne disent pas forcément directement. C'est tout comme des indices, des traces, et qu'il faut reconstituer. Et qu'il est, à mon avis, très bien difficile souvent de faire parler. Donc il y a, voilà, il y a aussi cette espèce de mémoire par délégation dans les, pourrait-on dire, dans les archives plus personnelles. Puisque effectivement, ce qui va devenir le plus sentimental, c'est ce qui a été le plus banal à un moment donné. Typiquement, un cahier d'écolier, quand il nous en reste plus que 3 ou 4, et ben, ça devient tout d'un coup une valeur extrêmement forte, parce que ça c'est un morceau de temps échoué, un morceau de son enfance qui est échoué. Voilà, il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on garde de son enfance, qu'est-ce qu'on garde du passage de l'enfance à l'âge adulte, c'est beaucoup de questions qui structurent les archives intimes. Qu'est-ce qu'on a reçu aussi de ses parents, de ses grands-parents, comme type de document qui peut faire lignage, qui peut faire filiation. Les archives personnelles se substituent à la personne après sa mort. Même si ce n'est qu'un sac, même si ce n'est qu'une boîte, c'est que ça prend du volume. C'est comme un corps de papier. Hein. Michelet disait à propos de ses propres archives, mon âme de papier, parce que c'était essentiellement ses journaux intimes, ses manuscrits, ses fiches de travail. Mais cette âme de papier, effectivement, est aussi un corps, non pas bien présent, mais présent par délégation. Et finalement, beaucoup plus présent, parce que restant dans l'espace domestique, voilà, il y a un pouvoir de survie fantomatique par les archives qui est extrêmement fort. Donc là, c'est Nati qui écrit, hein, c'est ça? Ouais. Donc, je sous-signais Nathalie. domicilié comme ci-dessous, atteste sur l'honneur, accepter la pleine responsabilité d'élever l'enfant Théo, donc ton frère, lors de la disparition de sa maman et de Serge. Donc c'est n'importe quoi. Mais ce qui m'intrigue, c'est pas la réponse, c'est plutôt la question qui a dû être posée. Est-ce que tu peux me faire une attestation comme quoi, si un jour je trépasse et le père de mon fils aussi, tu veux t'occuper des enfants, mais tu penses. Enfin, c'est assez bizarre comme requête, non? Donc voilà. Je sais pas trop quoi penser de ça, mais bon, moi, ça me rappelle juste que. Qu'il y ait beaucoup de pessimisme au quotidien, quoi. Voilà, c'est tout. Mais je trouve ça. C'est assez. C'est un bout de papier assez. C'est flippant. Tu vois? Le genre de truc sur lequel t'aimes tomber, quoi. Écrit en 94. Ouais, je pense que ça devait pas aller bien fort à cette époque, un truc comme ça, je sais pas. Voilà. Je me rends compte depuis tout à l'heure qu'on lit là. Moi, je remarque surtout la correspondance avec Nati, sa meilleure amie, qui au fur et à mesure est un peu lassée. Et les lettres, elles sont plus du même ton, quoi. Et j'avais surtout l'impression que ça allait que dans un sens, quoi. C'est je vide mon sac, tu me réponds. Je te vide mon sac, tu me réponds. Est-ce que au final son amie elle a pas coupé les ponts, quoi, parce qu'au bout d'un moment c'est vrai que c'est plus lourd, quoi, c'est plus. Mes archives personnelles. Je suis Philippe Artière, je suis historien au CNRS. Et dans la pratique que j'ai de celle d'être un chercheur, pour moi, le rapport aux archives et à l'archivage est quelque chose d'extrêmement important. Pour moi, mes archives, c'est plutôt les archives de l'autre. C'est-à-dire que j'ai une pratique un peu maniaque, que j'ai un peu moins en ce moment, mais que d'archiver les documents des autres. C'est-à-dire que je vais dans les poubelles, je vais dans les brocantes, et j'achète des documents qui ont appartenu à d'autres, qui ont été conservés. Donc s'ils ont été conservés, s'ils arrivent jusqu'à moi, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un s'est dit « Tiens, la correspondance entre Serge et Solange, une mère et son fils en détention en 46, bah c'est ça a intérêt, on va la garder. Quand je dis les archives des autres, c'est aussi des centaines de photographies d'une famille. Alors il y a tout cet aspect-là. Et puis après il y a l'aspect le plus inavouable de mes archives personnelles, qui est les archives que j'ai volées à ma propre famille, qui sont en fait parce que. Ce qu'on oublie beaucoup, c'est que les archives, comme disait Daniel Fabre, l'institutionnalisation des archives, c'est une pratique bourgeoise. C'est une pratique évidemment étatique, mais la famille et la famille bourgeoise se constituent avec les archives. On a des papiers. Les pauvres n'ont pas de papiers, les riches en ont. Et ils en ont, on garde la correspondance de grand-maman, etc., etc. Bon, et puis on garde le journal de captivité du grand-oncle, on garde... alors moi, il se trouve que dans ma famille, c'était une famille catholique du côté de ma mère, alors il y avait une pratique d'archivage, puis en plus c'était des religieux, pour partie, pas tous, parce que autrement je ne serais pas là, mais donc il y avait plein de documents, de lettres, de journaux, d'écriture de soi. Donc, tous ces documents, je ne dirais pas que ce sont des archives familiales, parce que je n'ai pas plus de rapport avec ce grand-oncle jésuite, assassiné à Rome en 1925, qu'avec son assassin. Donc, au bout d'un moment, je dirais que mes archives personnelles, elles sont aussi celles de Bambino Marquis, l'assassin de ce grand-oncle. Il y a quelque chose qui se mêle là. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je disais c'est vraiment une pratique bourgeoise, parce que c'était aussi une pratique qui voulait dire qu'on reste dans un lieu. C'est cette idée de sédimentation. On reste dans un lieu, on peut accumuler des masses de documents, ça ne bouge pas. Et le jour où on déménage, alors ça part à la poubelle. Moi, j'ai décidé de mettre tout ça dans une maison au fond de la forêt, et voilà, ça s'accumule là-bas. Et alors, je vous dirais qu'il y a plein d'archives de plein de gens qui sont devenus mes archives personnelles. Donc c'est une archive très envahissante. Ça, c'est aussi, il y a une espèce de lieu où ça s'accumule, et qu'il y a des choses que je rapporte ensuite, et que je réactive, parce que je trouve que les archives, elles ont besoin d'être partagées pour vivre. Il n'y a rien de pire qu'un fonds d'archives qui n'est pas consulté. Dans les archives personnelles, il y a quelque chose qui est très fort, c'est d'hériter de ces documents et de les tordre, les user, d'en faire usage. Se dire que, on va les user, on va les abîmer. On va les abîmer, oui. C'est une matière vivante dont on peut, ensemble, faire quelque chose. Louise Veil, journal 1914-1920. Louise Veil vit à Lyon, où son père est médecin. Elle raconte son quotidien de lycéenne pendant la Première Guerre mondiale. Après la guerre, elle suivra des études de médecine et deviendra pédiatre. En mars 1944, elle sera déportée avec toute sa famille à Auschwitz. Son journal a été déposé par Philippe Lejeune à la bibliothèque municipale de Lyon, et une photocopie du manuscrit et une transcription sont déposées à l'Association pour l'autobiographie. Lundi 11 novembre 1918. Comme nous sortions du cours de Madame Villain à la troisième heure, on nous a dit que Monsieur Gonod, qui est mobilisé au ministère à Paris, venait de téléphoner que l'Allemagne avait demandé l'armistice et que c'était signé. Miss Kendrick, qui est venue chercher Hélène, avec qui je suis partie, ne savait rien. Est-ce encore comme jeudi dernier ? Cependant, vers la place de la République, la rue paraissait agitée, et en arrivant devant le Progrès, nous avons vu des gens, hommes et femmes, qui couraient, criaient, chantaient, un jeune homme jouait du clairon, on venait d'afficher dans la salle des dépêches que l'Allemagne avait demandé l'armistice, qui avait été signé à 5h du matin, et que les hostilités avaient pris fin à 11h. J'étais déjà avec Hélène et Miss Kendrick quand j'ai appris la mobilisation en 1914, c'est encore avec elle que j'apprends la fin de la guerre et presque au même endroit. Tout le monde est fou. Nous avons immédiatement mis des drapeaux partout, français, anglais, américains. Ma foi, j'étais au lycée, personne ne savait si on avait vacances ou non, il n'y avait aucun ordre, et il faut que je me décide pour ma première langue. À 2h, j'ai donc eu anglais avec Madame Douady, puis mathématiques avec Madame Renard, mais on n'a rien fait. À 4h, c'était du délire dans les rues. Chansons, bonhomme d'étudiant, avec une tête de squelette, avec calot allemand et pipe dans la bouche. On portait les Américains en triomphe, les poilus embrassaient les femmes et les jeunes filles. Nous avons mis plus d'une heure pour revenir du lycée jusqu'à la place Bellecour. Miss Kendrick nous protégeait en faisant une sorte de barrage avec son parapluie des familiarités excessives des soldats. Le soir, après le dîner, nous avons été sur le balcon du Progrès, d'où on avait un spectacle inoubliable. Américains portés en triomphe, qui parfois devaient monter sur les réverbères pour ne pas étouffer, remous de la foule en délire, chants patriotiques dans des rues déjà subitement bien éclairées et avec toutes les fenêtres pavoisées. C'était splendide. On n'avait jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que ça doit être à Paris ? Un récit autobiographique, c'est quand quelqu'un raconte sa vie, sa propre vie, en promettant que c'est vrai. Mais c'est l'intention de vérité. C'est le pacte autobiographique. En même temps, ça a une énorme importance pour la personne qui lit. Vous ne lisez pas du tout de la même manière un texte qui se présente comme une fiction, un roman. Tandis que quand vous lisez une autobiographie, vous êtes amené à penser à vous. Je m'appelle Philippe Lejeune. Je suis cofondateur et président de l'Association pour l'autobiographie. Dans une vie antérieure, j'étais enseignant de littérature française à l'Université Paris-Nord, ville tanneuse. Et actuellement, je me consacre essentiellement à l'histoire du journal intime et à la co-animation de l'Association pour l'autobiographie. À un moment où, m'intéressant aux autobiographies des gens ordinaires, j'avais commencé par travailler sur les autobiographies des gens célèbres, des gens, des écrivains essentiellement, Rousseau, Gide, Michel Léris, Sartre, etc. Et puis mon intérêt s'était élargi aux autobiographies des gens ordinaires, qui ne sont pas si ordinaires que ça. Et à ce moment-là, il m'est apparu qu'il y avait une sorte de déficit dans les archives. Où trouver des autobiographies des gens ordinaires, c'est le point de vue du chercheur. Et d'autre part, que pouvait faire quelqu'un qui détenait un écrit ordinaire, à qui s'adresser, comment pouvoir trouver un lieu d'accueil adapté. Et il me semblait que ça n'existait pas. Il y avait donc un déficit d'accueil des autobiographies ordinaires ou des textes autobiographiques ordinaires et nécessité de trouver un mode de lecture nouveau que nous avons essayé d'inventer à l'Association pour l'autobiographie. Alors moi je m'appelle Christine Coutard, je suis la chargée de mission de l'Association pour l'autobiographie. Et bien je vais vous guider vers le magasin d'archives qui est au bout d'autres couloirs. On y va ? Alors, on partage ce magasin d'archives avec les archives municipales de la ville d'Ambérieux qui ont bien voulu nous laisser un petit, la place suffisante pour nos 300 et quelques mètres linéaires. Donc voilà, ils sont rangés là, tout simplement, comme des archives, dans des boîtes en carton, ou des caisses ou des cartons. On commence là-bas au fond, avec... Ici en bas, voilà, APA 1. Et on va jusqu'au 3710, si je me trompe. Voilà. Et bien sûr, comme ce sont des archives privées, elles sont toutes différentes, quoi. Elles arrivent toutes quelquefois dans des belles boîtes, auquel cas on les conserve. Elles arrivent quelquefois, voilà, sous des formes de classeurs. Enfin, il y a vraiment tout. Et puis dans les contenants aussi, puisque ça peut aller d'un texte très simple, très bref, de quelques pages, jusqu'à plusieurs caisses. Quand c'est souvent les journaux personnels qui se déroulent dans le temps, qui sont plus importants, quoi, qui donnent plus de volume. Les récits de vie, souvent, c'est un petit peu condensé. Alors, c'est lourd. Le papier, c'est lourd, et puis l'archiviste a un petit lumbago, là, en fait. Donc, alors, APA 1, arrivé en 1991-1992, donc ça, c'est une boîte archive de 8, je crois, 8 cm, hein, si je ne me trompe pas. Ça, c'est leur cote, et de la conserve, ils la conservent tout le temps, quoi. Pour nous, c'est le repère. Pour moi, c'est le repère. Quand on me dit de chercher un texte, je demande la cote, quoi. Et ben, il est très joli, le APA 1, vous voyez, c'est un journal, avec des petits... Des feuillets... comment on appelle ça ? Perforés, et qui sont attachés avec des petits fils de laine. Donc là, on est dans une forme de journal, quoi. Vraiment. Fil de laine de différentes couleurs, ou du fil à broder plutôt, hein. Fil à broder. Enfin, il est peut-être... Oui, on va regarder le dernier qu'ils soient conservés ici, parce que les tout derniers, en fait, ils sont dans mon bureau. J'étais en train d'en préparer là pour les envoyer, parce qu'ils circulent, les textes. Ils ont cette particularité de, d'être conservés, mais d'être lus aussi. C'est-à-dire que c'est des archives. Ici, c'est un peu particulier, c'est des archives vivantes. C'est-à-dire que avant même, au moment où elles arrivent, elles repartent presque aussitôt dans un groupe lecture pour être décrites dans le fameux catalogue. Parce que s'il n'y a pas de description, s'il n'y a pas de catalogue, il n'y a pas d'accès possible aux chercheurs. Et la finalité de tout ça, c'est non seulement la conservation, mais c'est surtout la consultation par des chercheurs. Alors, par exemple, 3707, alors ce serait le dernier. Voilà, mais c'est très simple. Hein. Deux documents écrits par mon père, relatifs à la période de 1939-1941, 1944-1946. Ah oui, c'est les BADAF. C'est souvent des textes familiaux. Là, c'est un texte familial, c'est le texte de son père. Il s'agit tout simplement d'un jeune homme qui est parti au bataillon d'Afrique. Alors moi, je ne suis pas du tout historienne et je ne connais pas très très bien, mais je crois que c'est des bataillons un peu disciplinaires. Donc il décrit une vie, oui, une vie très dure, une vie difficile, etc. quoi. Et pendant, il a donc la guerre pour eux s'est poursuivie, quoi, puisqu'il y a une campagne de 44-46 qui se passe en Tunisie, et il est allé même en Russie. Ça va du cahier manuscrit original, ça peut passer par le manuscrit photocopié. Ensuite, il y a pas mal de tapuscrits, c'est-à-dire que les gens ont depuis longtemps maintenant des ordinateurs à la maison et des traitements de texte. Il y a des gens aussi qui vont jusqu'à l'auto-édition, avec tout ce qui est intermédiaire, c'est-à-dire des fabrications un petit peu illustrées, avec des photos, des documents, quelquefois des arbres généalogiques. Donc il y a vraiment des formats très différents. Donc on va du petit cahier à la série de petits carnets même, qui tiennent dans la poche, jusqu'à des gros tapuscrits. L'autobiographie était le privilège des rois, des empereurs, des gens qui avaient un pouvoir. Donc on peut penser que l'expansion de l'autobiographie est parallèle à l'expansion de la démocratisation du pouvoir. Et d'autre part, elle est parallèle également à la capacité d'écrire. Longtemps, beaucoup de gens n'ont pas su écrire. Et c'était pas savoir s'ils allaient écrire jeu ou pas écrire jeu, mais ils n'étaient pas capables d'écrire. Donc l'alphabétisation et la démocratisation de la vie publique sont parallèles au développement de l'autobiographie. Anne-Marie Sirouki-Fournier a passé son enfance et son adolescence à Tunis, au sein d'une imposante famille vivant dans une grande maison. Lui, Guy, le grand-père et Aspasie, la grand-mère, d'origine grecque, sont les fondateurs d'une famille où l'on pratique plusieurs langues. Ma grand-mère avait, comme on disait, de l'instruction. Elle parlait et écrivait quatre langues, le français, l'italien, le grec et l'arabe, ce qui n'avait rien d'exceptionnel pour le pays. Ce qui, en revanche, l'était plus, c'est que, née en 1882, elle fut bachelière, professeure à l'école franco-arabe de la rue du Pacha, préparant des jeunes filles au brevet supérieur. Si j'en juge par sa façon d'être chez nous, cela ne devait pas être l'enseignement dans la joie. Son port altier et ses yeux noirs avaient dû figer une de ces dames enseignantes et demoiselles élèves. Je pense, non sans fierté et remords à la fois, que je fus la seule à braver son air de mère supérieure de couvent. Si menue fut-elle, elle réussit à imposer sa loi à mon grand-père, qui, l'ayant trouvée ravissante et intelligente, pensa ingénument la placer à la caisse de la pâtisserie qu'il venait d'acquérir, ayant bâti ses plans comme Perrette. Non seulement grand-mère ne mit jamais les pieds à la pâtisserie, mais encore, elle se maria à l'église grecque, fit baptiser orthodoxe ses cinq enfants, leur donna des prénoms impossibles, tout ce qu'il y a de plus grec, et ne leur parla que grec à la barbe de son mari, auquel finalement ces derniers détails religieux et linguistiques importaient le moins du monde. La France est un grand pays de tradition autobiographique, au moins l'ère francophone, puisqu'elle a produit Rousseau, Chateaubriand, Stendhal, Gide, Sartre et bien d'autres. Philippe le Jeune. Mais en même temps, toujours règne dans la mentalité française un préjugé qui vient de très loin et qui a été formulé par Pascal. le moi est haïssable. Donc on a toujours un peu honte. Ça paraît mal élevé de raconter sa vie. Alors qu'on peut penser que dans des pays de tradition protestante, comme l'Angleterre ou les États-Unis ou l'Allemagne, la chose paraît beaucoup plus naturelle. Écrire une autobiographie est un acte très difficile. C'est très difficile de construire un récit, de trouver la voie, savoir comment poser sa voix par rapport à un éventuel lecteur, comment construire surtout un récit, quel sens donner à sa vie, alors que la tenue d'un journal est une chose beaucoup plus facile, puisque le journal n'est pas en principe soumis au jugement d'autrui. Il est au contraire l'endroit où on va se défouler, s'exprimer, se consoler. Donc dans un journal, vous pouvez vous exprimer comme vous voulez, vous pouvez faire des fautes d'orthographe, vous pouvez faire des fautes de goût, vous pouvez être méchant, vous pouvez être bête. C'est pas conseillé dans une autobiographie. La pratique de l'écriture, de soi, mais d'une manière générale, la pratique de l'écriture, c'est une pratique culturelle des Français. Philippe Artière. Je dis des Français parce que des enquêtes ont porté sur ce. On a ajouté des questions, quelles sont les activités culturelles des Français, et parmi ces questions, il y a celle de l'écriture. On a toujours mis la lecture, aller au cinéma, au théâtre, etc. Mais les gens écrivent. Il faut dire qu'il y a 30 ans, travailler avec des lettres, travailler avec des journaux personnels, travailler avec des archives de soi, c'était quelque chose d'assez peu imaginable. Il y avait quelques personnes, je pense à Michel Perroux, qui a été une des premières à travailler précisément sur le journal d'une femme, d'une jeune femme. Et puis d'autres, des anthropologues, comme Daniel Fabre, enfin tout un ensemble de gens qui, de manière, je dirais, parallèle, ont construit progressivement cette source que sont les archives de soi. Alors là, vous ne étonnez pas, il y a un gros trou au milieu, parce qu'en fait, je suis en train de tout resserrer. Christine Coutard. En colmatant un peu les trous, etc., pour qu'on ait un peu plus d'expansion possible, quoi. Qu'on se dise qu'on est encore au moins là pour 10 ans. Parce que sinon, c'est un peu l'enfer. Enfin, moi, je serais partie, je serais plus là, mais ils vont avoir des soucis sinon. On va trouver des petits carnets de Césaire l'ouvrier. Tout petit, petit, petit, petit. Alors évidemment, très fragile. Hein. Très fragile, que je les remette dans l'ordre. 17, 19. 19. Donc on démarre du 31 juillet 1914 et on va jusqu'au 18 août 1919. Donc là, il écrit à l'encre, mais on voit qu'il y a un crayonné en dessous, donc il devait noter d'abord au crayon, et puis quand il avait le temps, et puis quand il avait l'encre et la plume, il repassait en fait. C'est son fils hein, qui a déposé, donc ils étaient conservés dans la famille. Ils sont minuscules, ils font, ça fait quoi ça, 5 cm sur 7. Hein. Donc c'est vraiment tout petit petit. Alors là on est au 11 juillet 1916. J'en déduis. Notre voiture part à 6 heures pour ramener du bois. On nous fait loger un peu avant 7 heures. Lever un peu avant 7 heures. Beaucoup de brouillard. Il se dissipe très vite et les saucisses qui étaient sans doute montées aussitôt. Les saucisses, qu'est-ce qu'on appelait les saucisses? Je pense qu'il y a un terme là chez les militaires. Les avions ronflent de tous côtés par-dessus le brouillard. Ils gardent nos captifs. On dit qu'il y a eu attaque cette nuit. C'est reconnaissance offensive. Des bruits courent de toutes les façons. Mais on ne sait rien d'officiel. Le ciel est couvert, mais il ne pleut pas. Les coups de canon sont moins forts qu'hier et dans la nuit. Mais toujours dans la même direction. Il y a des moments qui sont presque illisibles quand même. Voilà, on va le remettre bien dans la nuit. Dans ce qui vient d'arriver, je crois que ce sont des choses assez ça peut arriver comme ça, hein, dans une poche en papier. Et on a là du manuscrit original dans un sac à congélation. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Et ça s'appelle Lettre à mes morts. Bon, elle aussi, hein, elle écrit, il y a une petite marge gauche, mais ça remplit bien, remplit bien la page aussi. Hein. Ça, c'est des boîtes qui ont été transportées en automobile, qui ne sont pas passées par la poste. Donc, j'ai rien à dépouiller là. Enfin, pas trop. Donc, j'ai rien en ce moment à trier véritablement, parce que je sais quand même de le faire au fur et à mesure, même si le bureau ressemble à une catastrophe, en fait, tout est assez trié. Ça arrive que des fonds arrivent un peu en vrac. Alors là, il faut défricher un peu, quoi. Il faut effectivement repérer est-ce qu'il y a du journal là-dedans, parce que c'est souvent des fonds familiaux. Est-ce qu'il y a du journal, est-ce qu'il y a de la correspondance, est-ce qu'il y a des récits de vie. Et tout ça, quelquefois, arrive mélangé. Moi, je suis obligée de passer pas mal de temps et à démêler tout ça. Donc, c'est quand même préférable que les personnes qui sont directement concernées fassent ce repérage-là aussi, quoi. Mais c'est pas toujours possible. C'est toujours très délicat. C'est comme ces moments où on doit vider la maison de parents ou de grands-parents. Ça ressemble vraiment à ça aussi. Envoyer des textes qui ont été écrits par d'autres personnes que soi, ça, c'est vraiment l'ordre de ce deuil-là un peu. Quoi. Alors, le garde-mémoire, c'est le catalogue des textes déposés. Il est annuel. Donc, voilà, le numéro 16, c'est toute l'année 2016-2017. Hein. Donc voilà, on a la description de tous les textes déposés pendant une année. Et ce catalogue, il est indexé. Et l'indexation, elle concerne les lieux. Et puis ensuite, il y a les grands thèmes, donc les professions, les champs historiques et politiques, la vie intime, etc. Champs économiques et social. On trouve immigration et migration. Engagement politique, engagement syndical. Il y a tellement de choses qui sont dites dans les choses privées que nous, on n'imagine même pas l'intérêt que ça pourra avoir. Quoi. Exclusion sociale, marginalité, parcours social, ascension sociale, place des femmes dans la société. C'est très riche de développement pour d'autres générations. Quoi. C'est une vraie vie qui s'ouvre. Hein. Vie rurale, vie urbaine. Vie des banlieues, double culture. Peut-être que dans 20 ans, il y aura encore un autre regard. Quoi. C'est pour ça que c'est intéressant de conserver, de dire on conserve, on ne sait pas, enfance, on verra plus tard. Adolescence, mariage, vieillesse, mort, deuil, suicide, amitié, solitude, relations amoureuses. Ce qui est important, c'est de voir l'envers de l'histoire, l'histoire des mentalités, l'histoire des mœurs, de savoir comment on aimait. Héritage, succession, histoire d'une famille, généalogie. Vous êtes devant la réalité dans toute sa complexité. Le grain fin de la vie, telle qu'elle est vécue. Il y a mon chat là qui vient de s'allonger sur les lettres. Nonchalamment, je pense qu'il ronronne même. Je m'appelle Arnaud, j'ai 33 ans et on est chez moi à Saint-Denis où je vis avec ma femme et mes deux enfants. Le chat qui se détend. Je pense qu'il y a combien de lettres il doit y avoir. Bon, là il y en a au moins un. Alors, on a fait des petits tas. Au final, il y a combien de tas vraiment qui sort? Les plus gros tas, c'est des lettres que je lui ai envoyées de quand j'étais petit. Et le plus gros tas, c'est Nati, son amie d'enfance. Après, c'est des lettres un peu éparses. 2-3 lettres par-ci, par-là. Il y a des gens que je connais pas. Hélène, je sais pas qui c'est. Ça, c'est marrant. Ça, elle l'a trimballée, je pense qu'elle... Tu sais, elle s'est pliée comme si ça avait été des années dans un portefeuille, changé de portefeuille. Et c'est... Enfin... Ça parle de moi. Et en fait, c'est... qu'on appelle ça ? C'est mon identité astrale. Non, mais voilà, c'est exactement ça. Voilà, c'est... Attenez beaucoup à des choses comme ça qui servent franchement à rien, quoi. Selon moi. C'est marrant. Au final, les lettres qui la représentent le mieux sont celles avec sa meilleure amie, parce que c'était un vrai échange, et au final, c'est vraiment elle qui parle. Donc au final, la vraie personne, elle est dans les lettres avec Nati, sa copine, quoi. Ma mère, c'est une femme qui s'est un peu construite toute seule, avec ses faits, ses principes, toute seule, etc., qui a été perpétuellement, je dirais, à la recherche de réconfort et d'amour. Elle a énormément déménagé, donc elle était très instable géographiquement. Donc pour moi, petit, c'était difficile à suivre. Donc pas super funky. Mais après, c'était une personne quand même assez, assez marrante, quoi. Elle avait toujours plein d'idées. Elle a je ne sais combien de diplômes différents et plus inutiles les uns que les autres. Elle a fait 1000 métiers, 1000 sports, dans lesquels elle était en plus souvent très douée. C'était une personne super à l'écoute des gens, toujours prête à donner un coup de main, du coup un peu trop naïve. Et voilà. Mais bon, toujours cette dépression sous-jacente qui fait que c'était des hauts et des bas perpétuellement. Et ça se voit dans certaines lectures, quoi. Il y a des photos aussi, tu vois, c'est la dernière photo, une gueule était fine, quoi. Alors que tu vois, quelques années, très peu d'années avant, ça c'était ça et ça, c'est pas écarté de longtemps. Elle était belle, hein? Ouais, c'était une belle femme, hein. C'est vrai que là, sur la dernière photo, tu sens qu'elle est fatiguée, quoi. Ouais. Et j'ai retrouvé des lettres. Bah, tu vois, là, j'ai... 1994, ça, c'est une lettre... je pense que c'est une des rares lettres... que lui a envoyé son père. Donc je peux en lire un petit passage. Ton appel téléphonique d'hier soir a été, pour le moins, surprenant. J'aurais souhaité qu'il fût bouleversant pour moi, après tant d'années d'attente et d'angoisse. Ou plutôt non, je l'aurais souhaité dans le passé, alors que je pensais que notre vieux navire familial était encore réparable. Depuis, j'ai renoncé à ses ambitions, et avec résignation, j'ai ancré à quai ce vieux bâtiment délabré, sans espoir ni foi. T'as tout lu ? Je peux pas. Je peux pas la lire, la lettre. Ça me fout les boules. Ah, c'est violent. En fait, en plus, mon grand-père, c'est quelqu'un de vachement érudit. Il écrit super bien, donc quand tu sais manier les mots, ça frappe fort, quoi. Tu vois ? Je vais essayer de la lire. Mardi 8 novembre 1994. Ma chère, nous avons sans cesse navigué par gros temps et je n'ai eu aucun répit. Le bateau devint bien vite ingouvernable. Après tant d'efforts, tant d'échecs, tant de déceptions, je regarde maintenant de mon havre de paix en un horizon assez sombre, comme hébété, un peu hagard, indifférent, dépouillé, désabusé, inintéressant. On comprendra pourquoi, ma chère, ton aimable coup de fil ne m'est pas sorti de ma torpeur. Je l'ai perçu comme un chant de sirène dans une mer encore pleine d'écume. Ce que je te souhaite, c'est que tu sois heureuse. Je le répète à longueur de journée, parfois en contemplant la photo de tes 11 ans accrochée dans notre chambre. Ton papa qui pense à toi, qui t'embrasse fort. pas trop quoi en penser, en fait. C'est assez perturbant. C'est une lettre qui met un peu fin à toutes sortes d'espoirs. En même temps, il y a un peu de bienveillance, mais... Bah, je dirais que c'est... Je pense que c'est un homme pudique qui, pour une fois, prend sa plume et dit, pour garder le champ lexical, bon vent, quoi. Voilà. C'est un point final, quoi. C'est un point final, et après... Mais t'as encore des contacts avec lui ? Ouais, ouais, on s'adore. On se voit souvent, je l'adore. On parle même souvent de ma mère, quoi. Mais c'est vrai que quand on en parle, comme chez lui, comme chez moi, souvent, ça mouille un peu les yeux, quoi. Elle est toujours là. L'encre est parfaite. Ça a 30 ans. Donc, ouais, c'est ça, proprement dit, une archive, quoi. Ça reste, tant qu'on la détruit pas, elle est là, quoi. Donc, mais bon, moi, même si ça fait un peu mal au cœur de lire ça, je suis content de l'avoir lu, quoi. Je pense que dans sa vie, elle a dû recevoir au moins 15 fois ça de lettres, mais elle a gardé, au final, le plus important, quoi. Un ami, des parents et des enfants, quoi. Bon, alors on... Eh ben on y fout le feu. Donc ouais, c'est le bordel, quoi. C'est le bordel, et je crois que ça restera toujours le bordel, en fait. Un peu en vrai. Et que ce sera comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça ? J'ai dit que j'allais les jeter, j'ai dit que je lirai jamais, là je les lis, j'ai dit que je vais les garder... J'ai dit que je vais en garder une partie. Est-ce que j'arriverai à les jeter aussi ? Bah, j'ai vu une petite boîte avec des élastiques. Bon, déjà, je vais élastiquer, histoire de séparer les... Mais est-ce que... Ouais, ça va aller. Pour l'instant, ça va aller dans le sac. Après, je mettrai sûrement ça dans une boîte. Un peu plus noble qu'un sac Carrefour, quoi. Bon, c'est quand même ma mère. Et puis, elle est quand même décédée. Donc, c'est des choses... Un jour, j'aurais peut-être envie de, voilà, de relire ça. Moi, je m'étais dit qu'un jour, je m'en servirais bien pour un projet ou autre chose, parce que voilà, j'aime bien écrire des histoires, des trucs comme ça. Mais au moins, il y aura plus ce gros point d'interrogation au-dessus, quoi. Il y a un moment dans ma vie où je sais que de toute façon, ça va ressortir. Parce que là, mes enfants, ils sont petits. Et que la personne qui s'appelle mamie, c'est pas ma maman, quoi. C'est la femme de mon papa, quoi. Donc forcément, mon fils, la dernière fois, m'a demandé « Mais si mamie, c'est pas ta maman, elle est où ta maman ?» Donc je lui ai expliqué. Mais là, il est petit. Donc il a entendu la réponse et il l'a mis dans un coin de sa tête. Mais il y a un moment, il va me poser des questions. Et quand on pose des questions sur le passé, on fait quoi ? On ressort la bonne photo, on ressort les archives. Et du coup, il va falloir expliquer. Et je pense qu'il saura lire, donc il aura envie de lire. Et donc ça va ressortir un jour. Et c'est son héritage, quoi. C'est son héritage. Ouais, c'est ce qu'elle nous a laissé. Enfin, c'est pas ce qu'elle nous a laissé, c'est ce qu'elle a laissé, quoi. C'est pas pareil. Puis il faut pas oublier qu'il y a mon petit frère, donc si un jour il veut les regarder, je peux pas les jeter, quoi. C'était l'archive intime. Merci à Arnaud, Philippe Lejeune, Christine Coutard, Philippe Artière et Yann Potin. Lecture, Véronique Leroux-Huron et Elisabeth Legros-Chapuis. Prise de son, Laurent Lucas, Michel Gassic et Sandrine Malon. Mixage, Claude Niort. Classer les choses, penser les hommes, une série documentaire de Laetitia Druard, réalisée par Doria Zénil. Archiviste, diariste, historien, naturaliste et maniaque du classement, LSD, c'est tout pour cette semaine. Et pour déposer votre journal intime, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour nous classer ou nous réécouter avec vos souvenirs, eh bien, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et la semaine prochaine, nous irons nous installer dans un cabinet d'avocats.